un jour nous pointer là où déjà tellement vivant, tellement présent. Malgré ça, on paraît toujours ouvert, faudrait ou là. Mais nous savons bien que pour là, que pour pas loin, nous tellement besoin. Mais nous savons bien que où là, que où pas loin, nous tellement besoin. Tous les soirs à nos couchers, se réveillent nos cas rêvés.